Chapitre 24e. Piégé. Le garçon, de serre, ne cessait de ressasser son amertume. Terminal l'avait une fois de plus pris pour un con. La différence, toutefois, c'est que cette fois, il en avait la preuve et que ça le rendait malade. À quoi bon se mentir? Il ne l'aurait jamais. Il était bien trop malin. Alors pourquoi ne cessait-il de rêver de lui, de caresser son corps à l'infini? Dans ses rêves, c'était plus simple. Il était toujours d'accord. Chaque fois après, il n'avait cessé d'espérer, et la chose l'avait fait tenir un temps. Aujourd'hui, il fallait bien se rendre à l'évidence. Terminal ne l'aimait pas, et cela le rendait dingue. Pire, il le méprisait. Tout cela parce qu'il se croyait plus intelligent. Desserre, lui, s'était laissé stupidement fermer dans le rôle d'exécutant des sales œuvres, sans exiger de solides garanties en retour. Il s'était montré d'une inexcusable naïveté. Quand il pensait à ce qu'il avait fait pour lui, il lui avait tout de même fallu un sacré courage pour amocher Pardet, qu'au demeurant, il aimait assez. Pas comme Galtier, qu'il n'avait jamais pu blairer, et dont l'élimination l'avait laissé de marbre. En fait, c'est quand celui-ci avait été admis dans le club que Desserre avait sérieusement commencé à avoir des doutes sur les intentions réelles de Terminal à son endroit. Berthelot, qui commençait également à montrer le bout de son nez. Il avait toujours su que c'était un carnassier, qui les écraserait tous pour gagner du galon. Le blouson en avait été la preuve. Dire que Terminal avait apprécié. Pas lui. Il avait trouvé cela, au contraire, très con. Pour Galtier, heureusement, il n'avait rien à y voir, et surtout, il ne voulait rien savoir, même s'il avait fini par apprendre comment on s'y était pris. C'est à cette occasion qu'il avait appris que Galtier avait déjà fait une TS. C'est vrai que cela aurait pu passer, du moins si le flic chargé de l'enquête avait été un con fini. Manque de chance, il semblait bien que ce n'était pas le cas. Ce qui voulait dire qu'à terme, lui, Desserre, allait se retrouver coincé. Fidèle en cela au statut sans équivoque du club 23, Terminal le laisserait tomber et n'irait même l'avoir connu un jour si jamais on remontait jusqu'à lui. Il savait qu'il paierait l'addition tout seul. Même si Pardet n'était pas un ange, lui, Desserre, était bon pour quelques années de zonzon. Pourquoi donc avait-il accepté de rentrer dans ce maudit club? Ce n'était pas dur à comprendre et du coup, totalement inexcusable. En premier lieu, cela avait flatté son ego, car quelqu'un reconnaissait enfin ses capacités si particulières. Ensuite, Terminal était beau. Il avait su à merveille lui jouer la comédie. Ah, que de serments échangés! Que de promesses faites, sans cesse repoussées. Lui qui, comme un con, avait attendu le grand soir, alors qu'il n'y avait absolument rien à attendre. Pour un peu, il se serait flingué. D'ailleurs, il y pensait de plus en plus, car comment pourrait-il s'en sortir autrement? Avec le vol des statuts par Terminal, le club n'avait plus d'existence légale, et il n'avait rien pour prouver qu'il lui était relié, que c'était sur ses ordres qu'il avait commis le pire. Surtout que, à bien y réfléchir, Terminal s'était bien gardé de demander quoi que ce soit. Desserre n'avait fait qu'extrapoler sur ses désirs profonds, et c'est ainsi qu'il s'était compromis. Tel un petit garçon, il avait voulu faire plaisir. Il se rappelait encore le regard de surprise de Pardet quand il l'avait frappé et déloqué proprement. C'est Berthelot qui avait insisté pour plier les affaires avec soin. Cela collait bien avec son côté maniaque. Desserre savait très bien qu'il ne l'avait pas mortellement touché, car il avait très nettement senti la lame déraper. En fait, il essayait depuis de se convaincre qu'il avait juste voulu lui donner une leçon, mais la présence de Berthelot et Simiane avait tout foutu par terre. Eux ne voulaient pas lui laisser la moindre chance. C'était eux qui l'avaient mis dans la poubelle, et eux surtout qui s'étaient bien assurés qu'il ne pouvait pas en sortir ni appeler à l'aide. Pour eux, il n'était qu'une crevure qui avait essayé de faire chanter Terminal. Tous savaient que l'exécution comportait également aussi un message à usage interne qui disait très clairement « Ne me faites pas chier, car sinon… » L'élimination de Galtier avait été un sévère rappel à l'ordre, car Terminal leur avait démontré à tous, et sans la moindre ambiguïté, qu'il pouvait parfaitement agir en dehors d'eux. C'est peut-être cela qui terrifiait le plus Desserre, en dehors naturellement de ce qu'il ne pouvait qualifier que de l'épisode de la vieille dame, tant il en était encore tout retourné même si là, c'était différent. Ils avaient agi collectivement. Berthelot, encore lui, était complètement ivre. Et c'était du coup monté le plus acharné, pour ne pas évoquer Simiane. La scène avait rapidement viré à l'horreur. Très vite, la vieille était devenue une chose toute sanguinolente, qui l'avait complètement désinhibée, et il s'était mis à frapper à son tour sans raison. Ils avaient alors formé un triangle au centre duquel il l'avait fait danser. Ensuite, comme pour se défouler de la pression, ils avaient tout foutu systématiquement en l'air. C'est à ce moment-là que Galtier avait pété les plombs. Deserre, pas complètement parti, s'en était immédiatement aperçu. Il s'était alors appliqué à détruire méthodiquement la carte bleue, juste pour le plaisir de voir Galtier devenir livide, car il avait parfaitement compris ses intentions. Dès lors, il l'avait jugé indigne de faire partie du club 23. C'était pour cela que Deserre avait mis tant de soin à rapporter l'incident à Terminal. Celui-ci s'était montré furieux lui aussi. Pour un tel crime, il ne pouvait y avoir qu'une sentence et Terminal l'avait fait froidement exécuter. Aujourd'hui, c'était son tour à lui, Deserre, de craquer. Pas parce que cette conne de Jenny l'avait plaqué. De toute façon, il en avait marre de son visage peinturluré et de ses jupes râle-bonbon. Elle n'avait même pas de belles jambes, ou du moins, elle ne l'excitait plus. Elle était chiante, toujours à se plaindre pour des broutilles. Il se foutait royalement qu'elle sorte avec Jean-Marc, car dans quelque temps, elle allait s'ennuyer ferme. Parce qu'elle n'était pas complètement idiote, ce qui, vu le niveau général des Tournelles, relevait presque du miracle. Elle avait essayé de le cuisiner, un jour qu'il était bourré, et Deserre n'avait pas apprécié du tout qu'elle tente de profiter d'une faiblesse passagère pour tenter de lui tirer les vers du nez. Heureusement pour lui, il avait toujours assez bien tenu l'alcool. Il avait pu facilement donner le change et même jouer un peu la comédie. Jenny, découragée par ses réponses incohérentes, avait rapidement abandonné. Seulement, elle s'était montrée bien trop curieuse, et c'est là que Deserre avait décidé de rompre. Seule consolation, il avait été soulagé de voir que, malgré des questions assez précises, elle ne connaissait pas l'existence du club 23. Du coup, il avait eu envie d'aller se réfugier dans les bras de Terminal, où là aussi, il avait assez finement joué la partie. Terminal, tout aussi intelligent qu'il soit, n'avait rien vu venir et croyait que tout était rentré dans l'ordre. Pour plus de sécurité, il s'était acharné sur l'épicerie alors que franchement, il n'en avait aucun désir. Le coup du caviar l'avait amusé, car il s'était trouvé particulièrement créatif, tout comme le nouveau Pardet. Ils avaient mis 2 bonnes heures à massacrer complètement la tôle et il avait admiré la technique de Simiane avec les pinces. Tout cela lui avait provoqué une très légère euphorie qui n'avait pas tenu 2 jours. Berthelot, lui, biberonnait de plus en plus. C'était peut-être bien ce qui risquait de le perdre. S'il tombait, Deserre était sûr qu'il ne mettrait pas longtemps à passer à table. Son père l'y contraindrait surtout avec un pédigré comme le sien. La chose l'aurait presque satisfait si l'on avait pu ensuite remonter jusqu'à Terminal. Malheureusement, s'il était sûr que Berthelot les donnerait tous pour sauver sa peau, il était tout aussi sûr que jamais il n'évoquerait Terminal. La situation étant sans issue, c'était à lui de trouver un moyen. Il pensait de plus en plus à vider son sac dans une lettre, comme cela, ni vu ni connu.